Si j'avais pas de persil, mes haricots, pas d'abri pour mon pédalo, pas de toit sur ma cabane, pas de miel sur mes bananes, si mes carottes étaient cuites, si mon chien était un âne, mes idées avaient des fuites, j'en serais pas découragé, pas en détresse, parce que dans ta caravane, c'est moi qui suis la princesse. Pas en détresse, parce que dans ta caravane, c'est moi qui suis la princesse. Miracolo, de toute la misère, me tomberai sur le dos. Oh, oh, oh, oh. Si t'aimes plus mes échos. Miracolo, de toute la misère, me tomberai sur le dos. Oh, oh, oh, oh, yo, yo, yo. Si t'aimes plus mes échos, si j'avais. Pas de crevisses, des grenouilles et pas de cuisses. De toi tu mets pas de queue, de cigare et pas de feu. J'irai de la mousse sur ma guitare, de la rouille sur mon tifère et du catfish sur mon frottoir. J'en serai pas au fond de l'eau, découragé parce que dans ton pédodo on va laisser mon temps rouler. Mia flor, de toutes les misères, me tombe sur le dos.